La cave, épisode 15, Ico et Shadow of the Colossus. Allô? Salut! Non, pas toi, il faut pas. Ah, ok, le grenier! C'est ça, merde! Le grenier! C'est à l'étage! C'est à l'étage! À l'étage, j'ai mieux, j'ai mieux à l'étage! C'est le grenier! Ok, toi, faut que tu parles. Faut que j'arrête de parler, ok. Ça, j'espère qu'on le coupera pas! Mais non, on le coupe pas, merde! Ah, c'est drôle! Vas-y, Do! C'est beau ton grenier. C'est beau ton étage. Hey, je bois une bière puis merci pour la banane. Ok, super. J'ai pas déjeuné. Banane bière. Ouais. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le cave. Exceptionnellement, c'est un monde de nouveau aujourd'hui. Cet épisode, on n'est pas dans une cave, on n'est pas chez toi pour la première fois. Mm. On est chez moi pour la dernière fois parce que je déménage, comme toi t'as déménagé. Ouais. Fait qu'on était à l'étage exceptionnellement. Et on est un peu en retard, mais on a quand même respecté notre petit peu d'engagement au mois, à peu près. Puis on a... on est content de se revoir. Oui! Oui! Comment oui, je vais le virer un peu vers toi. Je suis déjà touché. OK. Ouais. OK. C'est ça. Et il y a une autre personne ouais, avec nous. Qui ouais, donc? Qui, on a le plaisir d'avoir invité et d'avoir reçu son acceptation. Ça fait deux ans. Non, tout l'honneur est pour moi, ouais. Messieurs de la cave grenier. La cave à l'étage. La cave moi, à l'étage, je pense tout le temps à l'été. Ouais. Fait que... Mais c'est allaitement, en fait. C'est ça, ouais. Ouais, fait que ça. Fait que... Bonjour, bonjour Julien Paris-Sorel. Salut les gars. Hey, Julien Paris-Sorel. Allô. Salut les bros. Comment ça va? Ça va super bien. Je suis bien content parce que ça fait comme un an et demi au moins. Ouais. Puis on se dit, il faut la faire cette émission-là. Puis on a enfin trouvé. Mais tu sais, si tu vois, si on enlève notre année sabbatique qu'on n'a rien fait, ça fait comme 5 mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Vu de même, hein. C'est toujours pas bon. Non, c'est pas mieux. Mais je suis bien content d'être dans ton étage. OK. Excellent. Merci. Merci, les gars. Dans ton ventre. Je suis fan, tu sais, de votre podcast. Ah oui? Ben, oui, c'est tout écouté. Presque. Je pense que j'en ai manqué peut-être 3-4. C'est lequel que t'as le plus aimé? Ouais. Je pense celui avec Ben Trossou. Ouais. Ah, ouais. C'est un peu l'épisode qui comptait pas. Non. Okay. Il compte. Il est en ligne, okay. Il compte. Ouais. J'écoute toutes les moi, semaines. C'est le show qu'on parle de nous deux. C'est vert, je disais ça. Non, moi aussi. Ah, pour le processus. Oui, ça, c'était intéressant. Oui. Qu'on raconte toute la genèse. Ouais. C'est pertinent, puis il n'y avait pas de... Mais il faudrait que j'aille la liste devant moi de vos œuvres, de vos sujets que vous avez couverts. Okay. Pour vite de même, mon épisode prévu, je ne me rappelle plus. Moi, mais, je suis surpris qu'on n'ait pas fait tant que ça. Je pensais qu'on avait comme une vingtaine, puis Chris, c'est le 15e épisode. Oui, oui, on va repartir ça. Mais moi, je trouve c'est que c'est ça. Déjà notable. OK. Ouais, alors, merci tout le monde de nous écouter. Salut Michel. Salut Michel. Pour les. Nous, t'es notre ami, t'es mon voisin. Pour les gens qui connaissent pas Julien Paris-Sorel, c'est. C'est un être humain. Qui es-tu? Je suis un être humain. On t'a déjà mentionné, là. Ah oui, hey, moi, je me rappelle, il y a 2 ans, dans le fond, j'étais en résidence de création à Lyon, parce que je fais de la BD, puis de l'illustration, puis il y a un paquet d'affaires en lien avec la BD. Tu as collaboré avec nous sur La Ligne Rouge. Oui, j'étais l'encreur de la série. Puis, je me rappelle que pendant ces 2 mois-là à Lyon, c'est comme un petit moment d'émotion, tout en partant. Le deuxième mois, j'ai trouvé plus « tough », entre guillemets, parce que je commençais à m'ennuyer de mes amis. Puis là, les podcasts, j'ai comme réalisé à quel point c'était génial pour ça. Pour écouter Les Mystérieux, La Cave. C'était quoi l'épisode, d'ailleurs, vous avez... Ah, ben c'était Ninja Scroll. C'est ça, mon épisode préféré. Mais voilà. Est-ce qu'il était bon, celui-là? Oui. Parce que t'étais à Lyon, puis on t'a fait une petite mention. Ah, puis... j'étais touché, c'était bon. Il y avait du senti, puis... T'as pas aimé. J'ai eu les yeux mouillés. OK. Ça m'a fait chaud au cœur, puis là, ça m'a aidé à passer. Pas que c'était difficile là-bas, aucunement, là, c'était trippant. Mais tu réalises que, tu sais... Je me rappelle aussi dans ton rush de Lettonie, tu disais que t'écoutais beaucoup les mystérieux parce que t'avais pas de vie sociale. Ouais, c'était temps plein. Puis les podcasts, ça me... parce que je sortais presque plus, à part à ta fête où je me suis blessé en vélo. Ouais, mais oui, hey, c'était une La main en sang. Mais ouais, ça, c'est, ça m'a aidé à passer à travers. Fait que c'est comme il y a un volet. Être entouré de ses amis sans l'être en réel. Ouais. Mais, la magie c'est un peu ça aussi que les gens disent des mystérieux étonnants, c'est qu'ils connaissent pas nécessairement personnellement, à moins d'être venu en événement, d'avoir côtoyé Douane ou Ben, mais qui disent qu'il y a l'espèce de sentiment d'appartenance ou de chum, qui, de cette espèce d'unité-là. Là. Fait que... ouais. Genre, t'es mon ami, Doom! Hein? Non, mais c'est vrai que c'est veg parce que moi je me rappelle c'est la complicité, d'être fan avant de participer au show. Ouais. Puis la première fois que j'ai vu Simon, moi j'étais full content. Hein. Mm-hmm. J'étais comme, hey, c'est Simon Chénier dans la vraie vie. Puis lui il était comme, what the fuck? Il m'a juste checké avec un long silence, puis il était comme. T'sais, il a juste hoché la tête. C'est Simon Chénier dans la vraie vie. Fait que, mais tu sais, moi j'avais l'impression de le connaître. Uh-huh. Il y a Éric Maziad qui a fait un esti de bon call, justement à Simon. Il était comme, tu le sais pas, là, mais Chris, qu'on s'engueule dans mon char là, ensemble. C'est fait, bon ça. Ouais. D'ailleurs, on peut peut-être mentionner le Indiegogo des Mystérieux Étonnants. Ben oui, vas-y. Parce que toi, tu participes encore régulièrement au show, ouais. Puis là, c'est ça, ils ont fait une campagne de sociofinancement pour se procurer un studio. De quitter Choc.lol. Choc.lol, c'est ça, de quitter ça, puis de nous donner, de donner d'autres opportunités au show, fait que ça serait peut-être quelque chose de qui ressemble plus à un podcast, encore une fois, mais peut-être vidéo, donc peut-être avec du support visuel et tout. Okay. C'est sûr que ça va rester un podcast avant tout, là. Mais c'est ça, fait que de se construire leur propre studio, de s'acheter des caméras et tout, puis ils ont demandé 16 000 $, puis là je pense qu'ils sont à 10 ou 11. Ah 11, je pense qu'ils en étaient 11. Ouais. C'est ça, fait ouais, que... Ouais, ben je l'ai partagé d'ailleurs sur le Facebook de la cave, puis c'est ça, honnêtement, ben, si c'était pas pour des gens comme Ben puis les mystérieux, ben on n'existerait pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Pas qu'on est... Tu faisais humainement ou... Dans la sphère numérique des 1 et des 0. C'est ça, non, mais dans le sens que si j'avais pas fait les mystérieux, on aurait probablement pas fait la cave ou... Je sais pas. Vous seriez les mystérieux. Ou on serait les mystérieux. Vous seriez aussi gros que les mystérieux. On serait peut-être aussi vieux. Non, ça aurait planté. Ouais. Mais allez voir la vidéo que Ben a faite avec ses collègues, c'est super bien fait. Là. Il y a une image, une reconstitution 3D du studio, puis c'est impressionnant. Puis en même temps, ils vont devenir mon voisin du studio Lunac. Ben oui. Fait que je suis content. Puis peut-être ça va changer les trucs pour la cave aussi, on sait pas. Ouais. Peut-être qu'on pourrait s'installer là, puis avoir du bon son avec des bons micros. Oui, parce que là, le son va sûrement varier, parce qu'on est dans un nouvel environnement. Puis... Peut-être je pourrais être chroniqueur régulier dans la cave. Peut-être. Non. C'est vrai? Ah, non! Ah, mais ça, on s'excuse pas. Non? Ça, c'est ma plus grande contribution à votre podcast. Dire, arrêtez de vous excuser. Arrêtez! Personne s'excuse ici. Allez chier, tout le monde. C'est très drôle. Bon. Mais t'as toujours pas dit qui t'étais? Ben, je suis un être humain qui habite à Montréal. Je fais de la BD avec Front Froid. J'ai travaillé sur la ligne rouge, j'ai fait l'album Lettonie, je suis collaborateur régulier au magazine Les Débrouillards pour les jeunes, avec une série qui s'appelle Étienne Charlot, sinon je fais des illustrations pigistes, je fais de l'impro BD, dessin direct, avec Jake entre autres, quoi d'autre? Là, sur quoi tu travailles là? Là, je travaille sur deux projets principalement. Ma foutue, puis je dis foutue parce que ça fait trop longtemps que je travaille là-dessus, mais pour être rapide, là, une BD témoignage sur un voyage que j'ai fait en Haïti en 2010. BD ben non, justement, c'est comme un cheminement très complexe, mais c'est plus du témoignage personnel que du reportage parce que l'aspect reportage. Implique un peu une rigueur journalistique ou du moins une recherche un peu plus exhaustive sur le lieu et le pays, la culture. Alors puis là, c'est moins une proposition, puis être plus objectif. Ben, le témoin, c'est ça, c'est l'individu, c'est à propos de toi, dans le fond. Ben, c'est à propos de mon expérience. C'est ça, ouais. Donc là, c'est C'est le projet le plus complexe sur lequel j'ai jamais travaillé toute ma vie parce que ça implique tellement de réalité, justement. Je peux pas... Là, je réalise un peu la beauté et la liberté qu'on a quand on travaille sur un récit fictif de genre. Mm-hmm. Donc, mais là, je suis en réécriture pour une 4e ou 5e fois de scénario. Je fais quelques tests d'ancrage, puis là, je suis en plein découpage graphique, puis... Là, grâce à ma copine, ça aurait débloqué. Là. On a eu des grosses discussions. Elle doit être demander de parler de ça. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais au niveau de l'approche de langue scénaristique, là, je pense que je suis sur une bonne lancée. Puis l'autre projet, je peux pas vraiment parler, mais disons que c'est un beau projet. Puis c'est cosmique. Puis c'est une BD. Puis c'est une BD. Ouais. Okay. Fait que BD, là, ce temps-ci, c'est ça. Cool. Juste parenthèse, je sais pas si c'est pertinent, là, mais quand tu as mentionné des brouillards, je trouvais ça tellement hot parce que moi j'ai travaillé 3 ans pour eux autres, puis je me suis comme rendu compte. Avec la grande illusion. La grande illusion que je faisais chez les débrouillards. Je me suis comme rendu compte parce que ça a bien été, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu de chicane, mais tout le long, je sentais qu'ils voulaient que je sois toi. C'est-à-dire qu'il me demandait des affaires qui étaient comme contre un peu ma nature, puis on n'arrivait jamais à s'entendre parce que, tu sais, mettons, il me disait tu sais, parce que moi j'ai fait un pitch, puis c'était super dark là, mon truc, c'était pas pour jeune pantoute, comment moi je l'ai traité, puis c'est ça qu'ils ont accepté. Sauf qu'on dirait qu'ils ont réalisé l'erreur en même temps, puis ils ont fait, ben tu peux-tu être plus jeunesse, cartoon, plus, mais surtout plus clean. Autant en termes de couleurs, ils voulaient des couleurs en aplats, moi je mettais tout le temps des textures, des slaps partout, que dans le trait, genre moi j'étais super sketch, puis ils voulaient quelque chose de vraiment genre plus clean. Fait que je trouve ça hot que ils t'aient engagé, tu sais, je suis comme bon, enfin ils l'ont trouvé, le to-go guy, là, tu sais, j'ai l'impression que c'est ça, ça fit bien plus. Mais j'adapte, tu sais, par rapport, exemple, l'Éthéonie, pour ceux qui ont lu, tu sais, c'est noir et blanc, c'est plus mature, c'est plus sombre, c'est plus psychologiquement complexe, comme BD, c'est clairement pas un truc de débrouillard. Non. Les débrouillards, c'est mon côté coloré, humour, jeunesse, élastique. C'est le kid aussi en toi. Oui, absolument. Puis même que, tu sais, dernièrement, il dit, ah, tu sais, tu pourras jamais mettre tes couleurs assez... flash. Tu sais, fait que tu peux les mettre super saturés, puis tu sais, j'augmente tout un peu pour adapter au magasin. Et mais ça demeure toujours dans le cadre d'une page. C'est une page où c'est des illustrations qui accompagnent des articles scientifiques. Fait que des fois, ça me fait sortir de ma zone de confort, c'est bien le fun. Excellent. Ouais. Excellent. Fait que l'autre chose. On est ici. Ouais, l'autre chose qui nous réunit, c'est qu'on. On joue à des jeux. Mais bien sûr. Ouais, on est des adeptes du 10e art. Oui, ah, c'est le 10e art. Ben, oui, c'est oui. Ah, puis c'est hot, ça c'est fait bien. X. Fait que c'est l'art X. Comme Dracula X ou Megaman X. Ouais. Ou le film X. Ou trop. Avec le trame sonore de X Japan. Ah ouais. Okay, je pensais à Triple X avec Vin Diesel. Non. C'est excellent. Puis X Art, c'est pas un truc de. C'est un truc de cul, ça. Ça se peut, sûrement. Ouais. X-Art, c'est comme des films de cul, mais super bien filmés, avec des ralentis pis tout. Fait que les jeux vidéo X-Art, ça va. Et toi, tout le monde contribue. Avec l'Oculus Rift, ça va être ça. D'autres, je me suis rendu compte que je parlais genre 5 fois par jour de porn depuis que j'ai déménagé parce que j'ai pas d'internet chez nous. Donc ça l'occupe une place dans ma tête. Mais le café. Constant. Ben c'est ça. Comment ça s'appelle là déjà le café atomique, là, il y a internet là. Ben oui. Ben, je vais pas me branler dans le café. Pas ça, ben non, c'est ça. Ben non. Mais inquiète-toi pas qu'à un moment donné, j'ai passé, j'étais dans un coin, j'étais comme, je pourrais juste les downloader. Les genoux. Puis le vent, non. Oui, mais bon, c'est ça. Ben, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, shout out, man. Salut, c'est rendu mon nouveau crew. l'atomique. Chaque fois que j'y vais, je croise quelqu'un que je connais. Okay. C'est la chouette, cette place-là. C'est vraiment cool. Moi, je te conseille d'aller là. Mais y a-tu des places que ça te t'arrive pas, ça? D'aller. Hey, salut, Jake. Même chez eux. Ben, tu vois, ici, quand en arrivant, j'ai tout de suite vu deux personnes que je connaissais. Okay. Fait qu'on parle de nos grandes passions. Ouais, ben c'est fun que tu aies mentionné l'art parce qu'on va parler de deux jeux aujourd'hui qui ont souvent été cités dans un récent débat ou peu importe, si les jeux vidéo peuvent être considérés comme une forme d'art en soi. Je crois qu'on s'entend tous pour dire que oui. Ben oui, c'est ridicule penser le contraire. Ouais. Après tout ce que je viens de vous montrer. Avec ton Nintendo. Ouais. Fait que on va commencer avec. C'est quoi les deux jeux qu'on va parler? Oui, on va y aller dans l'ordre. Premièrement, on va parler de ICO au PlayStation 2. Et après la pause, on va parler du successeur spirituel un peu qui est Shadow of the Colossus. Yes! Donc, toute la même équipe. Tout Or is créateur. It a prequel? Oh! Oui. Déjà, on part en force, là, alors. Attachez-vous, là, parce qu'on a des théories. Oui. OK. Commençons avec ICO et commençons avec notre question qui est... voie de devenir notre marque de commerce. Julien, comment as-tu connu ICO? Ben, premièrement, est-ce que je peux dire ICO en japonais? Oui. Uko. C'est pas ICO. ICO. Il y a un petit... ICO. ICO. Uko. Moi, j'ai connu ça, j'étais à l'université. Puis, je pense que ça venait déjà de sortir. J'étais avec un collègue, puis... on faisait la tournée des pawn shops à Gatineau. T'sais. Est-ce qu'il y avait encore des clubs vidéo où tu pouvais louer tes jeux? Oui, oui, oui. Okay. Mais le but, c'était d'acquérir des objets de collection. Puis moi, je regarde des trucs, puis il me dit « Regarde ce que j'ai trouvé. » Je connaissais pas ça, puis genre, c'est quoi ça? T'sais? Parce qu'il faut dire, la pochette américaine est particulière. C'est la pire chose. C'est une des pires affaires. C'est la pire chose, puis je pense que je lisais rapidement, puis que je pense à contribuer au fait des ventes. Ici, on a même 10 ans. Comment je pourrais la décrire? Il y a beaucoup d'effets de transparence, de silhouette vaporeuse. C'est comme un degré de semi-réalisme un petit peu malaisant. C'est pas, ouais, c'est très Uncanny Valley, mais c'est du CG surtout. Donc, c'est du 3D retouché avec Photoshop probablement. Mais, puis le personnage ne ressemble pas à ce qu'il est dans le jeu. Fait que, il n'y a pas les traits un peu. Ça manque, en fait, tout le côté artistique du jeu n'est pas dans la pochette. C'est ce qui est malheureux. Donc, première impression, j'ai fait. Pas sûr, mon ami, ça n'a pas l'air beau. Et je pense que je vais faire peut-être un an ou deux plus tard des recherches. Puis, non, finalement, ça a l'air vraiment bon. Moi, je suis un fan de la franchise Zelda. Puis, peut-être que tu l'avais vu puis tu ne l'avais pas pris carrément. Oui, je pense que j'ai envoyé la couverture, j'ai juste fait je suis pas pressé. Oui, j'avais peut-être regardé un peu. Okay. Écoute, c'est un peu flou, là. Ça fait quand même plusieurs années. Uh-huh. Mais je c'est au début des années 2000. Toi, c'est ton expérience. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que tu vois, le jeu ICO est sorti en 2001, puis c'était pratiquement moins d'un an ou à peu près un an après la sortie du système de PlayStation 2. Là. Il y a un cheveu de ta blonde. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, je l'ai essayé des années plus tard. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours eu des consoles après que ça sorte. Là. J'attends, ça coûte moins cher. C'est comme un feeling nostalgique. Je suis encore dans le passé, tu vois. C'est ça, on vit dans le passé, puis j'essaye ça, puis tout de suite, le coup de foudre avec cet univers-là. Uh-huh. On pourra parler de certains moments clés du jeu tantôt, mais c'est un... On est, bon, autant pour ICO que Shadow of Colossus, on est dans la catégorie de jeu, que c'est pas juste un jeu, c'est une expérience émotionnelle. Ouais. C'est une expérience, c'est une œuvre poétique. Mm-hmm. On est dans l'onirisme, on est dans une œuvre interactive. Ouais. Au même titre que Journey, pour ceux et celles qui ont encore joué. Beaucoup d'informations et de dialogues à travers l'environnement et l'ambiance, et pas à travers les mots ou les cutscenes. Fait que, puis même, c'est une langue fictive que, parce que faut pas oublier que. Dans le jeu, il y a une mécanique qui était unique pour l'époque. C'est que tu as un personnage qui est une intelligence artificielle. qui est une fille que tu trouves dans une cage, que tu dois protéger et un peu diriger avec toi tout le long du jeu. Ouais. Fait que tu protèges quelqu'un, pis ça, c'est assez unique pour l'époque. Et faut que tu la prennes par la main, puis tu la diriges avec toi, ou tu peux l'appeler, ou... Il y a même une fonction sur la manette, que quand tu pèses sur un piton, ça va zoomer directement sur elle. Pour voir elle est où. Quand elle est hors. Et tu comprends rapidement aussi... encore une fois, pas à travers une cutscene, mais à travers le jeu, que c'est elle, c'est à propos d'elle plus que toi. Donc, il y a des créatures comme qui sont un peu... Les chimères. Ouais, des créatures d'ombre qui veulent la capturer, elle. Donc, tu dois la protéger. C'est plus importante que le protagoniste que tu contrôles. Là. C'est ça, ouais. Toi, t'es comme là quasiment par hasard. T'sais. Voulez-vous que je résume un peu l'histoire? Mais dis-moi comment tu l'as découvert. Ah oui, c'est vrai, on est juste là-dedans. C'est vrai, j'allais te demander ça. Mais moi, c'était par une compilation de jeux que Sony lançait, que PlayStation lançait. Ça commençait avec le premier PlayStation qui avait des compilations de jeux. Moi, quand j'ai acheté mon système, ça venait avec ça. Puis après, pour le PlayStation 2, il en faisait, je pense, des saisonniers. Fait que j'avais eu cette première expérience-là. Puis. Juste visuellement, puis dans l'ambiance, j'avais jamais vu quelque chose comme ça d'aussi épuré, d'aussi... même si tu savais pas quoi faire, juste te promener, puis c'était... C'est clairement en fait. Unique, là, ouais. C'est ça, c'est pas un démo. C'était avec un démo. C'était tout le puzzle du moulin. Oui, exactement. Avec l'eau, puis je me rappelle de la réflexion, de la qualité de l'eau, comment ça se démarquait, là. Puis aussi qu'il n'y a aucun HUD, donc il n'y a aucun barre d'énergie ou pointage, c'est minimaliste de ce côté-là. Ouais. T'as pas d'éléments extra-diégétiques. Toi, Jake, t'as connu ça quand même? Moi, c'est une nasty belle période de ma vie, c'est que j'avais 19-20 ans, je venais juste de déménager à Montréal, et je travaillais en jeux vidéo. Fait que chaque jour était comme une espèce de découverte, là, parce que moi, je tripais ces jeux vidéo, et j'étais maintenant en train d'en faire. Fait que toutes les discussions de bureau, tous les trucs, j'étais tout le temps en train d'apprendre quelque chose. Et ce jeu-là est sorti et tout le monde à job ne faisait que parler de ça. Tellement que je me l'ai acheté sans l'avoir joué. T'sais, genre, le monde en parlait tellement que j'étais comme, OK, il faut que je me le pogne. Même affaire que Julien, je check la pochette, je suis comme, c'est dégueulasse. Mais il paraît que c'est bon. Puis là, tu sais, les gens analysaient au bureau, tu sais, sur une TV, checkaient comment que la lumière, la réflexion de la lumière passait à travers les objets. Une œuvre de référence, carrément. Vraiment, tu sais, on checkait ça, puis tout le monde était comme, comment qu'ils ont fait? Parce que c'est relativement au début de la sortie de la console PlayStation 2. C'est ça, 2. Un an après. Fait que c'est pas comme si... ils ont fait un tour de magie. On comprenait pas comment qu'ils avaient fait. Puis juste l'animation, les mouvements des personnages, c'était tellement fluide, genre, c'était la première fois qu'on voyait ça. Fait que je me l'ai acheté, je l'ai essayé, je suis resté piégé au premier puzzle. Je l'ai remis dans sa caisse, dans sa boîte. Dans sa cage. Et je l'ai joué, je pense, 8 ans plus tard. Ah oui. Je l'ai fini après Shadow of the Colossus. Ah oui, wow. Même quand nous, on t'en parlait à Lévis. Puis, ouais, puis je me rappelle t'avoir vu jouer au démo, puis je le savais que c'était hot. C'est comme un bon livre que tu t'achètes, que tu sais que tu vas le lire, mais tu veux le bon moment. Tu mets de côté. Fait que le PlayStation 3 était sorti quand j'ai joué à Ico. C'est à ce point. Mais c'est ça, tu parles de l'avoir acheté sans l'avoir joué, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas tant de... Il n'y avait pas les démos, toutes les... les critiques disponibles aujourd'hui, fait que sans que ce soit impulsif, c'est un peu ça comme on fonctionnait. Là, on avait une valeur sûre ou un bon titre, ben, on l'achetait puis on le jouait un peu comme dans le temps. Là. Exact. Puis c'est ça, je me rappelle qu'il y avait un démo dans un magazine ou dans un autre jeu, je sais pas trop, du moulin qu'on avait essayé chez vous. Mais fait que c'est ça, c'est comme ça que je l'ai découvert, puis je savais que ça allait être hot. Mais je savais pas à quel point j'allais aimer le jeu. Je suis en train de remarquer quelque chose sur la couverture, tu sais, le personnage principal, le petit garçon avec les cornes, il y a des cornes sur la tête. C'est un casque en fait? C'est vrai, c'est cornes. Il tient, bien en fait, c'est pour ça qu'il est dans l'univers. Cet univers-là, qui se retrouve dans le genre de temple, de château. Il tient un 2x4. dans ses mains, tu sais. Puis dans le jeu, quand tu trouves cet item-là, t'es content d'avoir ça, mm-hmm. pour te défendre puis attaquer. Oui. Mais on dirait que sur la couverture, moi, je me rappelle l'impression que ça m'avait donné un peu, c'était... Okay, c'est pas vraiment impressionnant, tu sais. Mm-hmm. On est habitué de voir des personnages avec des épées ou des armes beaucoup plus sophistiquées, mm-hmm. tu sais. Ouais. Et peut-être que ça avait contribué un peu à le... Ouais. Et si tu vois, Jake, il avait passé ta copie que je t'ai achetée, en fait. Puis toi, t'avais tellement été répugné par ça que t'avais imprimé la version japonaise et internationale qui est beaucoup plus beaucoup plus à propos. Ouais. Ouais, ça ressemble à Ico pour moi. Ouais. Premièrement, c'est ça parle beaucoup plus du jeu que la pochette américaine. C'est un dessin fait par le créateur, le réalisateur. Ouais. Et qui était d'inspiration, je pense, italienne. Il y a une référence. Exactement. C'est basé sur un artiste. Italien, je crois. Exactement. Ou espagnol. Merde, là, j'ai un blanc. Je vais vous le dire, c'est sur genre... le nom du réalisateur. C'est Fumito Ueda. Fumito Ueda. Ouais. Ou Fumiko. Fumito Ueda. Il expliquait dans une entrevue, parce que quand j'ai découvert ça, après, quand Shadow est sorti, je suis comme devenu un peu obsédé là, par ce créateur-là. Fait que j'ai lu tout ce que je pouvais. Et c'est tout ce qu'il avait fait dans ce temps-là, c'était Ico et Shadow de Colossus. Exact. Ouais. Mais c'est un parcours super intéressant. Mm-hmm. C'est qu'en fait, lui, il a fait un démo seul. Donc, il l'a... C'était pas jouable, c'était juste un vidéo. Visuel, mais il a tout modélisé, il a tout éclairé, il a fait de l'animation pour les personnages. Et c'est quelque chose qui s'appelait... Je me demande si ça s'appelait pas Ico, d'ailleurs. Mm-hmm. C'était vraiment similaire dans l'ambiance et tout, mais c'était un concept un peu... C'était la base. Ouais. Mm-hmm. Et il a présenté ça à Sony. Mm-hmm. Puis Sony, ils ont capoté, puis ils ont fait front en gage. Puis il paraît que c'est même... c'est une super petite équipe qui travaille sur ces jeux-là. Et il paraît que lui, il fait absolument tout. Fait que il va déléguer dans le sens qu'il n'a pas le choix. Il ne peut pas faire un jeu vidéo seul, mais il va être autant impliqué dans... la direction artistique, que dans la programmation, que dans l'engin ou whatever. T'sais. C'est un jeu d'auteur, finalement. Ouais. Oui. T'sais, au même titre qu'une BD d'auteur ou un film d'auteur, ouais. Que l'écrivain, c'est le réalisateur, c'est ça. L'artiste, en passant, c'est Giorgio De Cerico. Okay. C'est son artiste un peu culte. Okay. Il s'est inspiré beaucoup de son travail pour designer les personnages, les décors... Le artwork, justement, de la couverture. Ouais. C'est tout un monde, une architecture de monuments en ruines, en pierre qui se défait, des espèces d'escaliers comme ça, puis des échelles. Puis dans beaucoup de jeux, j'ai réalisé que c'est beaucoup plus... Comme dernièrement, j'ai terminé The Last of Us, c'est, je pense, probablement beaucoup plus de travail de créer des décors en ruine que des décors neufs ou semi-neufs. Parce qu'il faut que tu les construises et que tu les déconstruises. Il y a comme deux étapes. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus de recherche de temps et de travail dans ce design-là. Mais c'est aussi beaucoup, tu sais, comme tu as dit, c'est un jeu d'auteur, fait que tu sens qu'il y a une identité propre. Tu sens pas que c'est... puis tu sais, j'adore Last of Us, puis on s'entend que c'est un chef-d'œuvre, puis une charge émotive dans le jeu incroyable. Oui. Mais tu sais, artistiquement, ça se base sur le réalisme. Il n'y a pas une identité artistique aussi forte que, mettons, Fumito Ueda l'aurait, ou Kojima, ou Suda 51, ou même, tu sais. Peu importe, là, mais tu sens pas nécessairement que c'est la vision d'un gars derrière le jeu, tandis que dans Ico et dans Shadow, tu sens que c'est vraiment un gars qui a rêvé à quelque chose, puis qui a dirigé une équipe pour... Ouais. Fait que c'est une vision, puis... Contrairement à la pochette nord-américaine, il n'y a pas un producteur américain qui a dit « Hey, non, rajoute des tontons, ça va être bon! » C'est ça, tu sens que c'est une petite équipe qui se sont fait pas mal... donner carte blanche, puis faire ce que vous voulez. Qui voulait avoir le même, ça. C'est un petit intime. Ouais, et surtout, ils sont pas allés... vers des trucs qui pognaient. Fait qu'ils ont pas essayé de faire le prochain action, stealth ou whatever. C'est vraiment arrivé comme un ovni. Exact. Puis il y a sûrement plein de gens qui ont dit non, ça m'intéresse pas, ou qui voulaient pas assez s'investir pour découvrir le... Je pense que quand Sony ont signé le contrat avec le réalisateur, c'était dans le mandat éditorial, c'était une contrainte de comment on veut quelque chose d'original, d'unique. Mm-hmm. On veut quelque chose de justement différent de toutes les autres franchises qu'on va avoir. Mmh. Créer quelque chose de comme personnel. Puis qu'est-ce qui le différencie aussi beaucoup des autres jeux, c'est cette espèce de philosophie-là que lui explique comme la philosophie minimaliste. C'est-à-dire que au lieu de designer, puis de monter, puis de rajouter des trucs par-dessus des trucs, c'est au contraire déshabiller le plus le concept pour qu'il arrive vraiment. Donc, non, c'est pas une grosse épée avec un design dedans, c'est un 2x4. Tout est simplifié. Tout est ultra simple. L'histoire, les puzzles, la musique, sans que ça soit facile, nécessairement. Ouais. Essentiellement, peut-être juste pour les gens qui nous écoutent qui n'avaient peut-être pas joué, c'est beaucoup basé sur les énigmes, les casse-têtes, les pièces à résoudre. Donc, tu dois t'amener d'un point A au point B avec la princesse qui est un peu... un jeu d'action-aventure. Constamment en danger, ouais. C'est ça. Fait que... Moi, je veux vous raconter un moment là, que j'ai vécu. Tantôt, tu as fait référence à ça en thème, parce que c'est comme une des mécaniques de gameplay principales du jeu. C'est ça. Tu te ramasses tout seul dans cette forteresse-là, tu veux t'en aller. Et là, tu rencontres ce personnage féminin-là qui est légèrement plus âgé que toi. Parce que toi, tu incarnes un petit garçon de, je sais pas, 8-10 ans, quelque chose comme ça. Ça aussi, c'est super original pour l'époque. Ouais. T'es pas un action hero, t'es un petit kid de 10 ans. Qui est pas très fort. Non, c'est ça. Qui est courageux, mais... T'es pas un ninja. Qui est même physiquement beaucoup plus petit que ça. Puis plus petit que on a au moins une tête de plus que toi. Et quand tu réussis à la libérer, parce qu'elle est prisonnière, c'est ça, dans une cage, à l'intérieur d'une tour, ben... tu peux interagir avec elle. Puis je me rappelle la première fois que j'ai pris sa main, tu la tires un peu, puis là, la manette vibre juste un petit peu au bon moment, quand il y a une tension, quand il y a un coup dans le bras. Et je me rappelle avoir arrêté de jouer pour juste constater l'effet comme tellement réaliste puis sensuel de comme, waouh, OK, j'ai vraiment l'impression de connecter avec ce personnage-là. Je ressens la tension puis la pression qu'il y a d'interagir avec ce personnage-là. J'avais jamais ressenti ça avec n'importe quel jeu. Puis la responsabilité en même temps. Puis tu viens à t'attacher évidemment beaucoup au personnage, puis tu viens à t'inquiéter aussi de ce personnage-là, parce que les chimères qui apparaissent pour s'emparer d'elle ou la tuer, est-ce qu'ils t'attaquent? Je me rappelle. Ils t'attaquent toi, mais plus ils vont vers elle. Non, mais c'est ça, ils peuvent te pousser, là, ça te prend quelques secondes pour te relever pendant qu'elle la tire dans le trou noir. Là. C'est ça. Mais encore une fois, il n'y a pas de barre d'énergie, non. Tu peux pas... C'est ça, tu meurs si tu tombes très haut. C'est ça. C'est souvent ça. Ou si elle se fait capturer, là, le jeu... C'est ça. Ta barre d'énergie, finalement. C'est tout des concepts, justement, un peu plus abstraits, comme ça, que tu apprends avec l'expérience du jeu. Il y a aussi, tu sais, j'étais enfant unique, j'ai jamais eu de frère et soeur. Mais le feeling que tu parlais, je me suis tout le temps imaginé, parce qu'on s'entend que, je pense que c'est Yorda son nom, la fille. On dirait qu'elle est malade. Elle parle, mais elle est faible aussi, tu sais, en santé. Elle a l'air d'être en train de mourir, tu sais. Puis je me suis tout le temps dit, tu sais, qu'avoir une grande soeur, j'aurais ce côté-là protecteur un peu, là. Puis, tu sais, ça, c'est... Hey, man, c'est quand la dernière fois que tu peux parler d'une émotion de même en jeu vidéo? C'est super personnel, c'est super intime. Puis après ça, il y a plein d'autres affaires un peu weird. Je pense un peu du coq à l'âne, là, désolé. Mais tu sais, comme... un frère malade, ça défait toutes les conventions de Mario ou des autres que la princesse, c'est ton bonbon à la fin du jeu, tu l'as dès le départ, puis tu faut que tu la protèges, puis tu fais le récit avec elle. C'est vrai. Puis, bizarrement, ça fait pas non plus cliché, genre Damsel in Distress. Parce que t'es pas un super-héros. Tu l'aides, puis elle t'aide. À t'aide, puis tu sens plus que c'est ça, t'es comme le petit frère qui protège sa grande soeur qui est malade. Parce qu'elle, faut dire, elle a des pouvoirs magiques, je pense, si ma mémoire est bonne, elle peut faire disparaître des blocs qui sont dans le chemin pour libérer des puzzles. C'est souvent les piliers, puis qu'elle va libérer cet espace-là pour que tu avances à l'autre environnement. Là. C'est ça. Il y a des grosses portes qu'elle seule est capable d'ouvrir. Puis elle n'est pas aussi habile que toi. Fait qu'il y a des endroits où toi seul peux aller C'est vraiment une combinaison là, des deux forces et ouais. des faiblesses comme des deux personnages. Par exemple, le petit gars peut monter sur une chaîne ou une corde, tandis qu'elle... Ben, elle peut pas, ouais. C'est ça, faut que tu poses un bloc, puis tu l'aides. Ouais, tu peux sauter par-dessus un mur. Mm-hmm. Elle, non, mais tu peux y tendre la main c'est ça. Pour l'aider c'est à ça. Monter. Ouais. Puis... Ça, c'est fou. Là. Il y a comme le vide entre les deux, puis elle se prend un petit élan, puis elle saute dans ta main. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est le cœur arrête. Ouais, ouais, ah, ouais. Ouais, c'est super. C'est un jeu aussi qui donne le vertige. Je me rappelle oui. quand tu jouais au ouais, démo, ouais, tu ouais. m'avais dit, man, ah, c'est ouais. fucké, c'est la première fois que je vis ça d'un jeu. Mm-hmm. Puis on parle de. C'est pas Oculus Rift, là. Mm-hmm. Puis il y avait le sentiment de scale puis de grandeur ouais. tellement intense que tu te ramasses justement au top. Tu sais, je me rappelle le puzzle du chandelier. Mmh. Il y a comme un gros chandelier, puis ouais, ouais. il faut vraiment que tu montes haut puis que tu arrives à péter le chandelier mmh. pour qu'il tombe à terre. Puis tu sais, à un moment donné, tu te rends compte que t'es comme 10 étages dans les airs. Ouais. Tu peux pas tomber. Tu peux pas. Non, c'est ça. C'est ouais. Ça devient étourdissant. Ouais. Et je pensais aussi qu'il n'y a pas d'autres distractions, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas très peu de musique à part des endroits clés. Ouais. Fait que c'est carrément l'environnement qui t'engouffre, ouais. Donc, ouais, qui est plus fort. Il y a la dynamique comme, générale, c'est que pour avancer, souvent tu vas lui dire ben attends-moi là, ouais. moi je vais aller comme explorer un peu le lieu, mm-hmm. puis je vais réussir à te rejoindre. Ou... Mais tu sais que, en tout cas, je sais pas vous autres comment vous l'avez vécu, mais moi j'avais un peu un sentiment d'un chronomètre. Ouais. Genre, tu sais que si ça fait 5 minutes que t'es parti, ouais. là les chimères risquent d'arriver. Ouais, ouais. Je sais pas si c'était programmé, si c'était scripté, ouais, sûrement, ouais. mais ça crée un sentiment de presse puis d'inquiétude. Mmh. Mmh. Toi, faut pas que tu niaises, faut que tu te dépêches, mais t'espères qu'elle va être correcte ouais. jusqu'à temps que tu reviennes. Ouais. Puis ce lien-là, il est fort. T'sais. C'est ça qui est tellement incroyable, t'sais, comme quand on l'analyse comme il faut, toute l'ambiance, c'est vraiment une ambiance de. C'est passif, c'est paisible, c'est beau, on mm-hmm. entend le vent, mm-hmm. il fait tout le temps beau dehors, il y a un beau soleil. C'est organique. Puis, mm-hmm. ouais, exact. Mm-hmm. Puis en même temps, il y a cette espèce de bad trip-là qui est constant de dire comme « fuck, là, si je m'en vais trop loin, mm-hmm. elle va se faire pogner. Mm-hmm. » Des fois, même quand t'es avec, les ombres mm-hmm. apparaissent, les genres de « shadow people mm-hmm. ». Il évolue aussi à travers le jeu. Okay. Les ouais, Shadow ouais. People, au début, c'est vraiment fort, juste. Ouais. Mm. Puis à la fin, ils volent, donc mm. ils peuvent l'amener en volant. Puis là, ouais, t'es comme fuck! Fait que là, tu ouais. commences à grimper partout. Mm. Puis c'est super intense. Plus j'y pense, plus c'est dans sa simplicité, puis justement son ouais. minimalisme, que réside la force de jeu. Là. Mm-hmm. S'il y avait plein d'autres, ouais, s'il y avait plein d'autres mm-hmm. éléments, on dirait que ça enlèverait l'importance mm-hmm. à comme tous ces petits détails-là. Mm-hmm. Dernièrement, j'ai joué un jeu que vous pouvez vous pogner sur le PlayStation Network qui s'appelle Brothers, A ouais. Tale of Two Sons. L'avez-vous joué? J'ai regardé un peu, tu nous avais dit. J'ai regardé une petite vidéo. Je l'ai fait au complet, puis je pense assez rapidement, je me suis rendu compte, je me suis dit probablement que les concepteurs de jeux-là se sont inspirés fortement de Ico. Ouais. C'est vraiment. T'as joué, toi, Jake? Ouais. Okay. Tu l'as pas bout? Fini, pardon. Non. Ça vaut la peine. C'est vraiment, ça, là. Parce que t'as toujours deux personnages que tu contrôles. Les deux en frères même temps, en même temps que ouais. le L3 et le R3. Exact, les deux joysticks. Ouais. Mais c'est que. Puis c'est ça, sans voler de punch vers la fin. Il y a des changements, puis tu viens à penser out of the box. Puis il y a des émotions, il y a des psychologies okay. qui sont traduites par les contrôles mm-hmm. de la manette, mais qu'il faut vraiment que tu penses différemment. Ça vient te chercher. Là. J'ai vécu des trucs dans ce jeu-là assez, pas troublants, mais que j'avais jamais vécu. Okay. Que tu t'attendais pas à vivre. Ouais. Ah non, ça vaut la peine. Okay. Pour ceux qui ont joué à Ico et qui veulent rechercher mm-hmm. une expérience similaire, là, Brothers, c'est excellent. Ça. Okay. Excellent. Ben, c'est drôle de voir que ces jeux-là sont devenus cultes. Je pense pas que c'est des gros succès commerciaux. Mais... Pas commerciaux, mais tu vois, je le disais tantôt, puis je sais que c'est retrouvé dans beaucoup de listes de jeux de l'année ouais. ou de très bonnes mentions. Puis ça, faut rappeler que c'est en 2001. Ouais. Mm-hmm. Okay? La même année que Halo, Metal Gear Solid 2, puis le troisième Grand Theft Auto est sorti. Ouais. Fait okay, c'est, ouais. c'est des gros titres. Ouais, ouais. Mais c'est un succès critique. Oui, exactement. Ah, oui, beaucoup plus que financier. Mm. Ouais. Mais pourquoi je parlais de ça, c'est que je suis quand même surpris de voir qu'il n'y ait pas eu tant d'enfants de ces jeux-là mm-hmm. que ça. Il y en a, ouais. tu sais, je pense qu'on pourrait rentrer Journey là-dedans, on pourrait mm-hmm. rentrer genre un mm-hmm. paquet d'autres jeux qui sont beaucoup plus des expériences. Oui. Sensorielles. Mais, ouais, mm-hmm. mais sont plutôt rare quand c'est même. C'est vrai, hein? Contrairement justement des jeux d'action que là tu fais comme OK, sans ça, ou mettons Final Fantasy, que tu sais. Ça crée des sous-genres puis des. Tu sais, bon. Mais c'est là que tu vois justement le courage pis de ces développeurs-là. Puis tu sais, le. OK, on essaie quelque chose là, d'extrêmement différent, puis ça crée des petits chefs-d'œuvre comme ça. C'est des bijoux. Mais c'est vrai que c'est surprenant qu'il n'y ait pas plus de développeurs. Ou peut-être moi, ça m'intrigue, je vais faire des recherches, mais j'ai pas l'impression non plus qu'il y en a eu tant de successions spirituelles à Ico. C'est bon? La fin, on spoil dessus! Ben oui, il faut qu'on parle de la fin. Je vais aller chercher une bière. Moi aussi. Faudrait que j'aille pisser aussi. OK, ben check. On n'a pas fini le segment. On passe pas en musique tout de suite, mais on prend une mini-pause. Okay. Et c'est reparti. OK, fait que là, on... On spoil pas, finalement. Faites le jeu, gang de paresseux. Mais c'est un jeu, juste avant qu'on embarque dans Shadow, moi, j'ai la collection HD sur PlayStation 3. Ah, oui, c'est ça que j'allais vous demander. Qui est vraiment pas cher. Uh-huh. Et c'est... tellement impressionnant parce qu'ils n'ont rien refait. Il y a juste la résolution qui est augmentée, mais ils n'ont pas refait les textures, ils n'ont pas refait les animations. Et tu vois tout ce que tu ne pouvais pas voir sur une vieille télé cathodique. Puis tu es comme, OK, c'était vraiment des génies perfectionnistes qui allaient travailler au point que on ne pouvait même pas le voir. Et là, en HD, tu peux le voir. Donc, le jeu, il passe super bien en HD. C'est pas... On pourrait quasiment faire PlayStation 3 début. Là. Ouais. Limite. Vraiment. Ouais. Il y a quelques jeux comme ça là, qui sont comme... On comprend pas comment ils ont fait. Puis Shadow et Ico, c'est le parfait exemple. Là, en HD, là, c'est malade. Pognez-le. Moi, je l'ai grâce à Olivier Jobin. Okay. Qu'on salue. Salut, Ali. Merci. C'est pour ça qu'il me l'a donné. OK, wow. Mais justement, là, je me dis, il va écouter, puis là, il va être comme fuck. Je vais y repasser. OK. Fait que là, on s'en va servir avec une toune. Ouais, on va écouter un des. Justement, on parlait des enfants de Shadow et Ico. C'est un petit jeu indépendant qui a été financé par Kickstarter qui s'appelle Hyper Light Drifter. Et c'est une petite pièce piano et électro, mais je trouve que ça fit. Bonne écoute. Puis c'est on peut jouer à ça sur quoi? Steam, là, ça vient de sortir sur PC et Mac, mais ça va sortir sur console. OK, sur les consoles virtuelles. Ouais. OK. Et c'est une nom de tune? C'est Piano Music. Piano Music. Hey, Children from Space. Melancholia. Children from Space. Vous avez dit plein de mots. À tantôt. Thank you. était beau, hein? Ouais. T'as aimé ça, toi? Pour vrai, je trouve que ça te ressemble, cette musique-là. Ben, les petits cris d'enfant, enfin. Non, ouais, ouais. C'est ça, son dans ta tête, il crie toujours de ses enfants-là. C'est bizarre, ça! Hey, moi, je suis vraiment excité là, pour le prochain jeu, parce que c'est personnel. Hein. C'est je crois que c'est probablement mon jeu préféré à vie. Oh, tant que ça! Hey, attention, qu'est-ce que tu dis? Il est dans mon top 5, ça, c'est moi, sûr. Okay, encore une fois, excuse-moi, t'avais fait Ninja Scroll, genre, c'est dans mes top 5, puis t'en avais nommé deux, puis tu savais pas c'était quoi les autres. Fait que tu peux te dire c'est quoi les autres 4 jeux de ta vie? Facilement, facilement. Gas Panic, Prehistoric Isle 2 qu'on a joué tantôt avec les hélicoptères. Ben c'est drôle parce que dans mes jeux préférés à vie, il y aurait, c'est sûr, un Zelda, probablement Twilight Princess. Ok. Après ça, il y a Shadow. Après ça, il y a, Metal Gear Solid 3. Ok. Sur PlayStation 2. Play 2, là, c'est une belle époque, là. Ouais. Ensuite, je pense que je viens d'en nommer trois, là. Ouais. Tu vas avoir un Ninja Gaiden là-dedans, peut-être, ou Bloodborne? Bloodborne est là. Bloodborne est là, c'est sûr. T'en resteras. Je pense que c'est moins rétro. Ben, non, mon dernier, c'est je mettrais Super Metroid. Shadow. On en parlait tantôt. Ouais. Ok. Que quand tu le rejoues en tant qu'adulte, c'est surprenant à quel point... C'est un jeu pour adultes. L'ambiance. C'est vraiment un jeu pour adultes. Sentiment de solitude. Moi, quand j'ai joué à Shadow of Colossus pour la première fois, je me rappelle plus exactement. Là, c'était après Echo. J'étais content de l'avoir fait dans l'ordre de conception. T'as peu les deux. Est-ce que t'avais joué aux versions HD dès le départ? J'ai fait les deux au Play 2. Ok, super. Puis dernièrement, j'ai fait un boot des versions HD au Play 3. Mm-hmm. Mais je pense que j'ai fait peut-être un dixième du jeu de Shadow of the Colossus, puis tout de suite je me disais il est officiellement dans mon top 5 tout de suite en partant. Je savais que même c'était comme puis il était encore là. Une fois que je l'ai terminé ce jeu-là, j'en avais pas assez, je l'ai refait. Je me rappelle plus s'il y a un mode difficile. Je l'ai refait tout de suite. Comme je pouvais pas le matin, genre je voulais tuer un colossi, ou comment il l'appelle, un colosse. Ouais. Avant de déjeuner, je trouve que ça commence à bien la journée. Ok. Fait que je te repose la question pour le jeu. Ça, c'est des choses que tu avais lues et que tu te l'étais procuré. Comment t'as donné ça? Ça, il a été plus médiatisé, je pense, celui-là. Ouais. Fait que je l'avais vu passer des images, des bandes annonces, dans des revues ou sur Internet. J'avais vu ça passer. Puis là, maintenant, moi, de plus en plus, avec les années, ma passion sur les kaiju, la culture des kaiju, a devenu pratiquement une passion. Puis là, on est dans les kaiju mythologiques. Mammifères. Mais c'est plus que ça, non? Mais donc ça m'a attiré tout de suite. Puis encore une fois, même réalisateur, même minimalisme, c'est un autre bijou, c'est un autre chef-d'œuvre. Et toi, t'avais un PS2 un peu sur le tard? Ah, moi j'ai eu un PS2 vraiment tard. Ok. Genre il y a 3 ans, même pas là. Fait que c'est là que tu l'as joué. C'est là que je les ai faites les deux. Ok. Ouais. Puis que c'est ça, c'est devenu. Mais c'est, ce jeu-là, la musique, je l'écoute encore de temps en temps. Pour me motiver, parce qu'elle est assez. Ouais. C'est comme une des musiques les plus épiques que j'ai jamais entendues. Moi, je pense qu'on l'a découvert ensemble. Ouais. Parce que tu l'avais. On l'a loué. C'est ça, tu l'avais loué. Puis, c'était pas prévu, là, mais je me faisais un peu avoir parce que moi, j'en essayais un. Là, je mourais. Là, tu allais voir sur Internet comment le faire. Fait que là, tu le battais. Puis là, tu faisais l'autre après. Puis après ça, je réessayais l'autre. Puis là, je mourais. Puis là, toi, t'en faisais deux. Puis... tu savais-tu qu'il allait sur Internet entre les deux? Ou tu étais comme, waouh, t'es donc bien bon, premier coup. Non, non, ben, il y en a qu'on était. On était pas mis. On était pris, oui. Mm. C'est ça. Parce que contrairement à Ico, là, c'est vraiment plus. C'est le même univers, c'est le même enrobage visuel. Mais là, c'est beaucoup plus direct. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de fille qui nous accompagne, donc c'est le personnage de Wonder. Ouais. Puis d'ailleurs, le nom, je pense, le nom du jeu japonais, c'est Wonder in the Colossus. Ouais. Ah ouais. Fait que c'est ça, t'es avec ton cheval agro. Et... Agro! Ouais. Agro! Ah, c'est intense, ça. C'est... Ouais. Puis on avait déjà parlé. Juste... Hein. Moi, je veux juste dire des sons émotionnels. Ah ouais. Ah! Tu veux-tu nous faire comme ton spec de personnage d'animé typique, là? Non. Non? J'ai pas okay. Dit mais non. C'est quoi, ça? Tu dis qu'il y a tout le temps un gars qui parle. Ah, des animés? Ouais. Ben, c'est que t'as tout le temps comme les mêmes voix, mais ouais. T'en as tout le temps un très grave, l'autre très aigu. Non, je vois pas. Okay, pas. Okay. On revenait au jeu, là. Okay. Ouais. Mais c'est ça, fait que dans le fond, clairement, dès le début, c'est quoi ta femme ou ta fiancée ou ton. Comme on le sait pas. Dans le coma. C'est ou... ça qui est. Ben, moi, je pense qu'elle est morte. OK. Ouais. Moi, je pense qu'elle est clairement morte. Bon, est-ce qu'on sait c'est qui? On ne sait jamais c'est qui. Est-ce que c'est ta sœur? Est-ce que c'est ta fiancée? Okay. Est-ce que c'est une fille que tu tripes dessus? Mm-hmm. On n'en a aucune idée. Est-ce que c'est la princesse du village? Mm-hmm. On ne sait pas. Mm-hmm. Et ce qui est magnifique, c'est que j'aime ça, pas le savoir. Ouais. Je trouve que ça rend ça encore plus beau. Mais on sait que tu as fait quelque chose de terrible. Okay. C'est-à-dire que tu as volé une épée qui est comme l'épée sacrée de ton village, mm-hmm. qui a des pouvoirs magiques, mm-hmm. pour te rendre... au temple interdit, qui est peut-être le même que dans Ico. Ouais. C'est... Il y a beaucoup de liens à faire entre les deux jeux. Il y a beaucoup de liens à faire. Ouais. Fait que t'arrives là, et là, il y a une immense référence à Zelda. Ce jeu-là a beaucoup plus de Zelda en lui que Ico, mm-hmm. admettons. Mm-hmm. Mais juste le fait que tu déposes la fille sur une espèce de gros pilier de mm-hmm. De pierre. Il y a quelqu'un qui a montré genre cette image-là versus Zelda 2, qui est le 2D. Tellement. Et ça commence comme okay. ça, t'es à côté de la princesse qui est endormie sur un truc et tu t'en vas à l'aventure. Okay. Fait que. Puis juste le fait que t'es un kid qui est peut-être plus. T'es jeune adulte. Ouais, là. Jeune adulte. Moi, 19, ouais. 22, un enfant de 20 ans. T'as pas 30 ans, en tout cas. Non. Que les seules choses que t'as amené, c'est ton épée, ton arc, mm-hmm. et ton meilleur ami, ton cheval. Mm. Et ton courage. Ton courage. Et ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment... c'est un peu la même dynamique que Ico avec Yorda, oui. mais maintenant tu l'as avec ton cheval. Donc ton cheval, ce n'est pas un véhicule. Mm-hmm. C'est ça, c'est un personnage. C'est un personnage. C'est ça, c'est d'ailleurs la même chose. On avait parlé dans notre épisode sur Mononoke. Mm. Je faisais référence à ça. Là. Parce que dans, mettons, Zelda Ocarina of Time, mm-hmm. ou même Twilight Princess, tu contrôles, quand tu embarques sur le cheval, tu contrôles le cheval. Ouais, c'est ton véhicule. C'est ça, tu deviens le cheval. Okay. Ouais. Sauf que dans Shadow of the Colossus, tu restes. Toi, l'humain ouais. qui est mmh. sur le cheval, mmh. tu tires les guides, mais le cheval, c'est lui qui décide ouais. un peu où est-ce qu'il s'en va. Ouais. Des fois, il veut pas. Ouais. Des quand fois... tu tournes, c'est pas toi qui tournes. Ouais. Tu le diriges, mais c'est ouais. lui qui bouge. Ça, c'est magnifique. Ouais. Ça, c'est le décalage. Ouais, puis ça l'aide, parce que le meilleur exemple, c'est disons, t'as une espèce de. Pas un pont, mais un espace sinueux. Entre deux. Ça devient plus difficile. Entre deux rochers, mais tu fais juste. Lui dire d'avancer. C'est ça, puis lui, il va contrôler. C'est ça. Mm-hmm. Il va jamais rentrer dans un mur, ouais. où, à moins que tu le diriges mal. Il va pas contrôler à chaque petit détournement. Ça. Exactement. D'ailleurs, dans le prochain Zelda qui s'en vient, pour la Wii U, je crois, là, je pense qu'ils ont comme catché un peu, ils ont compris que c'était comme ça qu'ils devaient faire avec Epona. Ben, c'est mm-hmm. drôle parce qu'il était en développement pour Twilight Princess quand Shadow est sorti ouais. au TGS, Tokyo Game Show. Mm-hmm. Et tous les journalistes parlaient que tout le monde avait la gueule à terre parce qu'à un moment donné, toute l'équipe de Nintendo s'est ramassée au bout de Sony mm-hmm. pour jouer à Shadow. Mm-hmm. Et ils prenaient des notes. Mm-hmm. Puis il y a juste un journaliste qui a fait comme « Qu'est-ce que vous faites? » mm-hmm. Puis une des personnes responsables de Nintendo a dit on a beaucoup de choses à changer. Parce qu'il est en train de faire Twilight Princess. Il est en train de faire Twilight Princess, mm-hmm. ils ont vu Shadow of the Colossus, mm-hmm. puis ils ont fait comme fuck, c'est ça qu'on veut faire. Okay. Et sûrement que ça en allait d'une autre direction, puis ils ont vu ça, puis ils ont fait comme c'est ça qu'il faut faire. Mais dis-nous, Julien, est-ce que dans l'univers de Zelda, est-ce que c'est tout le temps le même cheval? Est-ce qu'il y a c'est comme James Bond, un peu okay. Link. C'est des multiverses, là. C'est ça. Okay. C'est jamais le même. C'est toujours Epona, mais est-ce que c'est le même? Moi, je veux dire, okay. les timelines, tout ça. Ok, non, mais en fait, ma question, c'est est-ce qu'il est aussi présent que dans le Shadow? Ben, par sa nature minimaliste, Shadow of the Colossus, forcément, t'es plus proche, puis Agro, il est plus présent. Mm-hmm. Parce que, bon, t'es dans un monde ouvert. Ouais. Une fois que t'as déposé la femme inconsciente ou morte sur la pierre, tu fais un pacte avec un genre d'entité, un genre c'est de dieu. Ouais, c'est ça, tu sais pas trop, c'est une présence. C'est ça, la prémisse du jeu, c'est ça, c'est dit, tu dois battre 16 ou... colosse, entité géante pour raviver la fille. Exact. Mais il va y avoir un gros sacrifice à faire. Ouais. Puis tu l'acceptes. Exact. Ouais. Et tu te le dis, tu vas payer le prix pour ça. Mm-hmm. Puis tu choisis. C'est pas trop c'est quoi, vrai. Mais tu acceptes. Ouais. Puis là, tu pars avec ton cheval. Ton épée sacrée est un peu magique. Puis tu peux la mettre, la brandir en l'air. Puis il y a comme une lumière qui va émaner de cette épée-là, qui va te diriger un peu dans le monde, qui est quand même assez énorme. Puis on est dans un monde. Fantastique, moyen-âgeux. Fait que l'épée, c'est ton GPS. Un peu moins ça. Puis, moi, j'aime tellement le concept que t'as pas tant de donjons. C'est pas tant de la. Oui, il faut que tu recherches toutes les un colossus à la fois. Mm-hmm. Mais le donjon, si on fait justement une comparaison à Zelda, c'est le colosse. Oui. C'est, tu dois, c'est des êtres énormes. Mm-hmm. Puis tu dois les abattre. Mm-hmm. Parfois. Comment je pourrais dire, à regret. Moi, des fois, j'avais un sentiment de culpabilité étrange. Parce que c'est des êtres, ils sont majestueux quand même. Ouais. T'as pas l'impression que c'est des créatures méchantes ou des. C'est des animaux que t'es en train d'abattre. Des animaux. Des genres de dieux, un peu. Ouais, des animaux divins. Ouais. C'est ça, parce que, premièrement, juste par rapport à la mécanique du jeu, chaque colosse est différent. C'est encore une fois une espèce d'énigme. Comment j'y arrive parce qu'il faut. S'agripper, monter, trouver... escalade carrément le colosse. Trouver les points sensibles et puis frapper à ces niveaux-là. Ouais. Puis c'est ça, vous parlez d'êtres vivants, mais c'est ça, ils ont toutes des espèces de masques ou des protecteurs de pierres. Ou... Mais en même temps, c'est comme eux, ça fait partie d'eux. Ça fait partie d'eux, oui. C'est ça, comme une corne qui dépasse, sauf que eux sont faits comme en... quasiment en terre, en gazon, puis en pierre. Tu vois que c'est des êtres de la nature. Ouais. Puis, c'est ça, il y a comme trois à peu près catégories principales. Tu as comme les bipèdes, tu as les quadripèdes, puis tu as ceux qui sont soit un peu plus serpents, mettons, qui volent ou qui sont dans l'eau, dans le sable. Oui. Puis c'est juste pour vous donner une idée là, aux auditeurs, c'est gros, ils sont énormes, là. C'est des buildings. Là. Ouais. Fait qu'ils sont imposants, puis c'est pas comme justement un donjon que tu dois escalader, c'est un être vivant. Ouais. Puis ça, j'avais jamais vu ça ailleurs. Il sait que t'es sur lui, puis il sait que tu veux y faire mal, puis il veut pas. Ah oui, ils bougent là, puis ils veulent te pogner, puis te pitcher à terre. Puis c'est ça qui est comme la dynamique de recherche de ces colosses-là dans un genre de semi-calme quand même. Puis là, quand t'arrives au colosse, là, il y a comme une musique épique qui part, puis c'est juste tellement intense ces moments-là. La musique change, premièrement, c'est jamais la même musique par colosse, et elle change d'après c'est quoi ton interaction avec. Si t'es en train de le regarder ou de l'observer, ça va pas être la même musique que si t'es en train... Quand tu commences à monter, et c'est pas la même musique que si t'es en train vraiment c'est de stabber, tu sais. Un des plus mémorables, là, c'est sûrement le colosse qui vole. Au-dessus du lac. C'est au-dessus du lac. Je me rappelle quand on s'était rendu là la première fois qu'on a joué. Puis j'étais juste. Il y a un piton sur la manette pour checker tout le temps le colosse. Peu importe t'es où à travers lui. Puis je me rappelle, on était dans l'eau. Lui, il était perché sur son truc immense. Puis on a juste pesé sur le piton pour le regarder. Et la caméra a été moitié dans l'eau, moitié. Okay. Puis ça aurait fait un poster. Puis c'est beau, là. Christ, que c'est beau. Et on pensait à la composition. Ça arrive souvent que la composition de l'image est belle. Puis c'est ça, dans un jeu vidéo, ça arrive pas, tu sais. C'est comme ton personnage au centre ou de Left to Right. Mais c'est ça. Mm-hmm. Mais là, c'est comme... C'est tellement beau, man. C'est tellement magnifique. Il y a encore une fois... dans ce jeu-là, t'as une barre d'énergie. Ouais. Oui, contrairement à Echo. Puis de stamina. Oui. Donc, ton endurance. Mais elle est très subtile. Oui. Ça néglige pas l'expérience cinématographique. Même la barre d'énergie, il y aurait quasiment pu s'en débarrasser. Je comprends le grip pour t'agripper, ouais, c'est ouais. quand même une mécanique importante. Mm-hmm. La barre d'énergie, c'est que tu peux mourir, mais si t'es vraiment à l'article de la mort, mm-hmm. tu peux juste t'accroupir quelque part, puis ton énergie va regagner. Ouais. Fait qu'il ouais. aurait quasiment pu l'enlever. C'est pas quelque chose qui est nécessaire. C'est plus un indicateur pour les joueurs. Ouais, ouais. mais ouais. tu sais, c'est rare que tu meurs. Techniquement. Tu vas, ouais. tu vas échouer, tu vas tomber, tu vas recommencer. Ouais. Mais mourir, c'est quand même rare. Ouais, si tu fais écraser. Ouais, ça dépend de chaque colosse. Parce que chaque colosse est tellement unique que ça devient une expérience. Puis c'est ça que j'en suis en train de réaliser. Tu sais, mettons, on parle. Ben, c'est la plus grande référence, je pense, à ce jeu-là, c'est Zelda. Chaque temple a comme une personnalité. Mm-hmm. Mais là, le temple, c'est un personnage. Ouais. Il bouge, il est vivant, ouais. il fait un son, il y a une manière de vivre, il y a un environnement aussi. Fait que ça rend l'expérience comme beaucoup plus intime avec le, ouais, puis le donjon. Tu sens une expression que j'aime full, c'est la force du désespoir. Là. Okay. Tu le sens vraiment dans le personnage de Wander. C'est encore une fois, Ueda parlait du design par soustraction. Donc, quand on parle de minimaliste, mm-hmm. au lieu d'ajouter des trucs, en enlever. À travers le jeu, parce qu'il faut le dire aussi, dans l'histoire, ça se passe comme en une journée. Ouais. Tout ça se passe en une journée. Une journée, pareil. Fait qu'au lieu de devenir de plus en plus fort, comme dans tous les jeux, tu trouves une nouvelle armure, une nouvelle arme, tu vois que ton personnage est de plus en plus fatigué, puis à la fin, il y a comme des taches de sang séchées dans le cou. Ouais. Ah, oui. Ton personnage change visuellement, il est de plus en plus cerné. Oh, wow. C'est crise de grosse journée, là. c'est brillant, parce que ça donne un indicateur de où t'es rendu dans le jeu, puis c'est un petit détail subtil, mais à la fin, tes vêtements sont comme tachés, tu sais, de boîte, ou toute ton expérience. Beaucoup d'influence aussi, je sais pas si c'est officiel ou non, de l'histoire sans fin. Atreyu avec son cheval Artax. Ouais, ouais. Encore une fois, un jeune qui est pas particulièrement le plus fort ou rien, mais qui a un courage, qui affronte des colosses géants. Même coupe de cheveux en plus. Ouais. Dans Shadow, c'est un petit, ça peut s'appliquer, mais c'est un petit peu moins fort que Ico, mais on, ça rentrerait peut-être plus dans des anti-héros ou des héros qui sont moins typiques. De jeux conventionnels. Oui, parce que t'es en train de faire quelque chose de mal. T'es en train de... Tu fais ça pour... Un peu ton égoïsme, c'est vraiment pour sauver la fille que t'aimes, mais tu es en train... Puis tu le sais, t'es conscient. T'es en train de libérer un démon pour que lui la ramène à la vie. Okay. Puis ça, c'est pas nécessairement un punch. C'est comme ton personnage, il le sait dès le départ, puis il négocie avec le démon... qui est en fait un dieu. C'est une quête personnelle. Là. Mais le village, ils veulent pas, là. Puis ils veulent pas que tu sauves l'épée, puis ils veulent pas que tu ailles à ce temple-là, puis ils te bannissent, là, après. Là. Quand ils découvrent, ils font comme... à cette petite cave, tu sais. Ouais, parce que à chaque fois que tu plantes ton épée dans un des colosses, il y a comme une genre de fumée noire, clairement diabolique, là, qui sort. Puis donc, chaque colosse, finalement, ben contient un peu un esprit maléfique. Okay. Ben, c'est les 13 parties, en fait. C'est ça qu'on comprend, c'est que il y a des moines ou des sages qui ont réussi à tuer ce démon-là qui s'appelle Domu, je pense, c'est ça? Ou Dormin? Dormin. Doom, je pense. Doom. On va l'appeler Doom pour la cause. Et comment il a réussi... ces colosses-là. C'est ça, il a réussi à le diviser en plusieurs parties. Pour pas qu'il revienne à la vie. Fait qu'en tuant ces parties-là, tu libères comme son âme pour qu'il puisse se reformer. Et coup de théâtre, ben tu joues un colosse à la fin. Pas assez longtemps à mon goût, j'aurais aimé ça qu'on se promène pis tout, mais tu joues un colosse qui se bat contre ces vieux mages-là. Tu te rappelles pas de ça? Et que je m'attendais pas. Parce que je pense qu'il a jamais fini. Ben oui, j'ai fini. Ouais. Tu te rappelles pas de ça? Mais il parle du dernier colosse? Non. Toi, tu joues un colossus à la fin. Tu joues Dormin. Toi, tu t'en rappelles pas ou tu l'as pas fini ou tu as battu le colossus pour te peser off sur la machine. Non. Yeah, je fais les jeux, Non, mais il y a la fin, puis... Il y a la fin? OK. Wow. Mais moi, j'ai une anecdote parce que... Ça marche pas, les gars. ce jeu-là, là, ce qui est particulier, c'est que c'est super simple, mais tout le monde peut avoir une expérience personnelle. Ouais. Puis moi, j'ai comme une anecdote à comme exprimer, partager, là. Puis comme par la musique. Mais je pense que c'est le 9e colosse. Fait que déjà, t'as pas mal d'expérience, t'es un peu magané, tu pars avec Agro, ton cheval, puis là, t'explores, il y a un pont, tu te ramasses dans un genre de canyon. Un grand canyon. Mm-hmm. Puis là, tu vois au loin, bien évidemment, grâce à ton épée, que tu te repères avec la lumière qui est projetée pour que tu diriges vers une genre de grotte. Okay. Mm-hmm. Un genre de grosse cave. Tu te rapproches un peu, puis là, maintenant, ça part de nulle part. T'as même pas vu le colosse. Il y a comme un genre de rayon électrique qui est projeté vers toi. Mm-hmm. Moi, ça m'a happé. Je suis tombé tout de suite de mon cheval. Et là, je vois le colosse qui commence à sortir. Okay. Puis, il est super gros. Mais là, moi, déjà, je suis tombé. Puis, j'ai pas beaucoup d'énergie. J'essaie de, comme, retrouver mon cheval. Là, c'est super intense. Là, agro, agro. Puis là, il est comme super là. Lui, il court dans tous les sens. Ah oui, man. Puis là, t'as le gros qui veut juste m'écraser. Après ça, j'ai réussi à repogner mon cheval. Je fais le tour. J'essaie de le tirer avec mon hache. Je comprends pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Finalement, c'est comme, faut que t'actives. Il y a des geysers. Ah, là, faut que tu l'amènes à des geysers pour qu'il perde l'équilibre et qu'il tombe sur le côté. Et là, tu peux commencer à l'escalader. Ouais, ça, c'est. Mais, il est top. Ah, il est difficile, puis il faut que tu le saches aussi. Là, mais à mi-chemin, je me rappelle que je suis comme tombé de lui, de très haut. Puis je suis tombé, puis il me restait une mini barre d'énergie. Genre, j'allais mourir. Ouais. Là, c'est tellement intense avec la musique en plus. Là, j'avais presque plus d'énergie. J'ai comme, je vais mourir. Ouais. Je vais perdre, je l'aurai pas cette fois-ci, tu sais. Là, je me penche pour essayer de reprendre mon énergie. En même temps, j'appelle mon cheval. Ah, puis c'est super intense. Oui, puis là, tu réussis à repeindre ton cheval. Là, finalement, t'as comme genre récupéré le sang de ton énergie. Là, tu repeignes le colosse. T'sais, finalement, je l'ai eu cette fois-là. Ah, mais tu sais, c'est de passer de comme, je vais mourir, à, hey, finalement, j'ai réussi à le battre. Ouais. Parce que tu reprends ton énergie, puis c'est le sentiment d'accomplissement, mais. J'étais au désespoir, puis je criais après mon cheval, que lui, il était comme, pourquoi on est ici, tu sais? C'était un des moments les plus intenses de mon expérience de jeu. Puis il y a quelque chose, techniquement, qui met beaucoup, beaucoup d'émotions aussi. Encore une fois, première fois qu'on voyait ça sur le PlayStation 2, c'est le sentiment de flou quand la caméra bouge. Oui. Avant, peu importe comment que ça bougeait, c'est le mouvement qui donnait le flou, mais ici, ils ont vraiment créé un flou comme en vieux film, pellicule. Mm-hmm. Donc, quand tout pète, tout devient flou autour de toi, ça met pas d'emphase sur le chaos. Ça rajoute du drame. Fait que quand tu cales ton cheval, puis tu le vois au fond, à travers la poussière, puis les éclats de partout, tu sens l'émotion, t'es comme, OK, man, c'est la guerre. C'est ça, il est en train de tout mettre. Ouais. Pour sauver cette petite fille-là qu'on sait pas c'est qui, mais il risque le tout. Je pense que c'est sa blonde. C'est pas aussi facile aussi. C'est pas aussi facile. Si disons t'étais mort ou tu meurs, tu recommences pas direct, là, faut que tu retournes. Tu pars au temple, je pense, du début, qui est central par rapport à la map. Fait que c'est quand même... Ça fait du bien, ça fait respirer, mais en même temps, ça prend du temps. Fait que quand t'es là, tu veux l'avoir. Mm. Ce jeu-là est tellement intense. Moi, on parle de c'est quoi c'est qui la fille, là? Oui. moi, je pense que ce que j'aimerais, en ma version à moi, ce que je m'imagine, c'est que c'est quelqu'un que t'es en amour avec, mais elle le sait pas. Genre, elle te connaît pas. Genre, tu sais, début Roméo et Juliette, là. Avant qu'ils tombent en amour. Parce que si vous êtes un couple, on dirait que je trouve ça sonne faux un peu, genre. Mm. Mais de tout risquer puis de te sacrifier, parce que tu sais, si t'es en couple, tu veux-tu te tuer pour elle soit heureuse? Tu sais, je sais pas. Oui, on dirait que c'est comme mon question. Ouais. Mais si on fait justement dans cette lignée de réflexion-là, si je peux me permettre de faire des liens avec Ico. Mm-hmm. Moi, je me rappelle que le petit hamster, là, il spinait pas mal pendant que je jouais à Shadow of the Colossus, mais j'essaie de voir. Non, mais dans le sens que j'essaie de voir, OK, c'est quoi le lien avec Ico? Ouais. Ça se passe-tu avant? Ça se passe-tu après? On a tous pensé que ça se passait après, au début. Ouais. Puis. Avant d'avoir fini le jeu. Ouais, quand tu finis le jeu, moi, je pense qu'il y a un lien familial, là. Ben oui. Très fort, ça. Ben oui. Puis, en fait, on peut le dire, là, on spoil, là. Yep. Moi, je veux spoiler. Nous, on veut pas. Okay. Non, j'ai rien dit. Si vous voulez pas je faire spoiler, allez jouer au jeu. 40 heures plus tard, apprenez. Mais c'est parce qu'on a dit tantôt qu'Ico, le jeune garçon, a des cornes. C'est ça. Ouais. Oui. Et à la fin du jeu, c'est que quand tu... En fait, c'est que quand tu libères toutes les les parties d'esprit dans les colosses, oui. Dormin, ça lui prend quand même un corps pour devenir le démon. Et c'est ton corps à toi. D'où le sacrifice. D'où le sacrifice ultime. Donc, mmh. t'es plus toi à ce moment-là. Mmh. Tu es cette entité-là qui devient un colosse géant. Imagine comment il se sent. Mais comment? Imagine comment il se sent, le jeune. Ouais, non, très, c'est très, ça. Très petit. Il est mort en dedans, tu sais. Mmh. Puis on le voit qu'il meurt, mais qu'il lutte contre la mort. Puis finalement, les mages qui sont là, les genres de sorciers weird, qui arrivent juste à la fin du jeu, on n'entend jamais parler d'eux autres tout le long du jeu, ils réussissent à comme contrer cette malédiction-là, puis à tuer le démon, mais ce que ça fait, ça résulte en un enfant, un bébé, qui a des cornes. Et encore là, coup de théâtre, Agro n'est pas mort parce qu'on pensait qu'il était mort. Il y a tellement la scène qu'il se bitch dans le ravin. Ouais. Puis là, on a tout capoté. Parce que tu t'attaches à cette petite bête là, qui te sauve la vie. C'est plus que ton véhicule, c'est ton ami. Puis quand tu te promènes en forêt, puis que tu le lâches, tu débarques de lui, il va faire ses trucs, il va aller boire de l'eau, il va aller se promener, il va, tu sais, comme. Fait qu'on s'attache. Mais bref. Ça marche, le pacte marche, donc la fille Mondo, je crois qu'elle s'appelle. Qu'elle reprend vie. Elle reprend vie. OK. Et elle trouve ce bébé-là, qui est cornu. Oui. Puis elle le prend, puis là, elle monte au-dessus du stade, qui est accessible en passant. C'est super vrai, tough. Peux y aller? C'est super tough se rendre, mais c'est faisable. Il y a une genre de technique en sautant en diagonale tout le temps où tu perds pas ton stamina. Puis, mais ça a l'air ultra tough. Moi, je l'ai jamais fait. Puis, tu sais, genre, tu checkeras des tutoriels. Là, je pense que j'avais ça vu prend que... 40 minutes. Ouais, que, que si tu sauvegardes là, ta game est différente. Parce qu'il y a plein de Easter eggs. Tu peux, genre, pêcher. Moi, j'ai jamais réussi. Ouais. Mais... Tu peux t'accrocher avec des oiseaux. Jamais. Ah, ouais. Ouais. Mais c'est ça. On parle de la barre de stamina ou du cercle. Puis, ça, on l'obtient quand tu vas chasser des petits lézards à la queue blanche. Genre, queue magique. Mais vous, avez-vous beaucoup investi du temps là-dessus? Parce que j'ai vu des vidéos que la boule est énorme. Là. Ouais. Ah oui. Ben, ça te prend ça pour monter au-dessus du temple. OK. Rendu là, la fille et le cheval et le bébé réussissent à monter au temple complet. Puis là, tu vois que. Parce que c'est ça, dans l'environnement de Shadow. Il y a une espèce de désolation où on dirait que les choses sont pas tout à fait vivantes. C'est un ancien monde. C'est ça, puis ça a l'air qu'il est presque mort. Des fois, il y a des forêts puis du feuillage, mais sinon, c'est très désertique. Ouais. Des pierres, des arbres morts. Aucun être vivant à part les petites tortues, les petits lézards. Il n'y a pas d'animaux qui se promènent et tout. C'est ça, puis on allonge la barre d'énergie avec les fruits qu'on fait descendre des arbres avec les flèches. Mais ça, c'est des... Même pas, moi, ça. C'est des trucs... Tu as passé le jeu avec la barre d'énergie d'origine? Non, c'est qu'à chaque fois que tu tues un colosse, elle augmente. Ah oui? Puis tu peux faire ça pour qu'elle expande. Ah, je sais pas, ouais. Okay. La hard? Wow. Merci. OK. C'est plus un bonus ça, pour t'aider à travers le jeu. Oui. Mais tuer les lézards puis manger les fruits. Mais bref, elle arrive en haut. Faites ça, les enfants. La fille arrive en haut avec ce bébé-là dans les bras, puis on découvre qu'il y a la vie. Donc, il y a des animaux, il y a des oiseaux, il y a, tu sais. Fait que là, tu comprends qu'ils vont réussir à vivre à travers ça, puis que cet enfant-là, cornu, c'est le premier d'une longue lignée. Et ce qui est spécial, c'est que dans Ico, l'introduction du jeu, c'est des gens qu'on dirait qu'ils viennent du même village, même genre de vêtements, même genre de culture, qui vont porter l'enfant cornu dans le temple, puis ils s'excusent, puis ils disent « on n'a pas le choix parce que t'es comme damné, t'es comme un mauvais présage pour le village. » Fait qu'on s'imagine qu'ils font ça à tous les enfants cornus. Donc, comment est-ce que les enfants cornus continuent à vivre? C'est pas comme une race, c'est plus comme un truc magique qui arrive une fois de temps en temps, mais Wander serait le premier. Après ça, il y a d'autres théories qui sont comme la fille, c'est-tu la sorcière de Ico. Ouais. C'est clairement pas Yorda, même s'ils ont Ce serait la sœur. Donc, ça serait peut-être le frère de Yorda à ce moment-là. Peut-être. Tu sais. Mais moi, j'adore comme cette mythologie. Comment je pourrais dire, pas semi-muette, mais tout est dans. Ouais, il y a beaucoup de mystères. C'est plus que fun. C'est que la spéculation, l'interprétation est tellement multiple que c'est riche. Puis ça ajoute à la poésie, je trouve, du truc. De pas savoir, puis de. C'est, tout repose sur l'émotion. Toutes les informations qu'on a reposent juste sur l'émotion et non pas sur des faits, parce qu'il n'y en a pas. C'est l'investissement du joueur. T'es présenté à ça, puis c'est pas une cinématique. Puis, avant de mourir, monsieur Bond, je veux vous expliquer mon plan machiavélique. J'ai fait ça, puis ça. Puis, c'est relatif à la. C'est proportionnel à la curiosité du joueur. Ouais. L'investissement. C'est ça. T'sais, plus tu vas comme fouiller cet univers-là, ce monde-là, les personnages, c'est large ce que tu peux découvrir. Hein. Petit, pas quiz, trivia, mais saviez-vous que avant Shadow of the Colossus, il y avait un projet qui s'appelait Nico? Oui, ben. Qui était supposé être online? Ben, c'était pas le nom de code avant Shadow? En fait, c'est un autre concept, mais c'est le pré-Shadow. Okay. Et tu jouais des enfants. C'est ça. Tu jouais des enfants comme Ico, tous cornus, et chacun leur cheval, puis on chassait en gang des colosses. Ça aurait pu être très cool, ça. J'ai vu des vidéos, là, puis je jouais à ça. Ouais. Ouais. C'est des enfants morts. Des enfants morts. Qui crient dans ta tête. Qui se font écraser par des colosses. Ben, dans Ico, tu meurs aussi des fois. Ouais. Ben oui. Tu incarnes le personnage. Okay. Après ça, il est sorti un autre truc qui s'appelait Trico. Super weird, mais ça existe pour vrai. Machine, Et c'est devenu... bon, Ben. The Last Guardian. Ouais. Là, est-ce que c'est officiel? Ça va-tu sortir, finalement? Ça va sortir. Ils l'ont dit. Mais c'est un jeu... qui a de l'air d'avoir... Premièrement, il était supposé sortir sur PlayStation 3. C'était supposé être un launch title. OK. Ça fait maintenant 6 ans. C'est jamais arrivé. Là, ils viennent de dire que finalement, ils n'ont jamais arrêté, mais il est arrivé un gros drama pendant la production. C'est que Fumito Ueda a quitté Sony. Mm-hmm. Fait que là, tout le monde est comme, bon, ben le jeu ne marche plus. Mm-hmm. Si le créateur n'est pas là... Non, on peut pas faire son truc. Mais finalement, ça a été annoncé qu'il continuait à travailler pour la compagnie en sous-contractant. OK. Fait que là, ils ont finalement annoncé qu'il faisait... Fait que son nom sera pas là ou partiellement. Non, il va être là. Okay. C'est juste que c'est plus un employé de Sony. C'est un truc d'honneur. Là. J'ai aucune idée, mais tu sais, ça regarde mal d'une production. Okay. C'est un jeu qui était... C'est ça. Un peu à la Duke Nukem. Là, que... La technologie dépasse ton développement. Mm-hmm. Fait que quand tu finis le jeu, tu fais comme « Ah, fuck, c'est full let. » Fait que j'ai l'impression que Last Guardian, joue aussi là-dedans. Mais la dernière, les dernières vidéos qui sont sorties, il y a déjà un an, Colin, ça va vite. Ouais. C'était une longue séquence de jeu. Ouais. Puis je veux jouer à ça. Ouais. Ça a l'air un autre petit chef-d'œuvre. Exact. C'est un autre successeur direct à Shadow Ico. On s'entend que ça se passe dans un univers très similaire. Mm-hmm. Encore une fois, la mécanique de jouer avec un AI. Ouais. Sauf que maintenant. Donc là, c'est comme une espèce de gros rat. C'est un griffon. Donc, c'est comme un oiseau chat. OK. Il vole. Il y a des pattes d'oiseau, mais il y a comme un bec, mais une tête de chat. Il est super. Tu es toujours dans l'espèce de même univers de temple décrépit. Ouais, exact. Même genre de couleur, même genre d'esthétique. Mm-hmm. On se retrouve. Ouais. À cette heure, il va-tu avoir un lien avec. Est-ce que ça se passe avant? Est-ce que ça se passe après? Puis c'est ça qu'on aime. C'est qu'on veut pas un lien direct, mais on veut juste un. Des liens pour en faire une sorte. On veut chercher. Exact. Si vous n'avez pas joué à Ico, Shadow of the Colossus, prenez-vous la compilation HD, P3 ou je sais pas, même l'original sur P2. Oui. C'est des chefs-d'œuvre qui sont pas assez connus. Okay. Mm. Julien, est-ce que tu recommandes ces jeux-là? Non. Mais oui, je viens de le faire. C'est des chefs-d'œuvre. On consacre une émission à ça. c'est viscéral. Là. Mm-hmm. Puis la trame sonore, surtout de Shadow of the Colossus. Mm-hmm. Oui, parce que dans Ico, il n'a pratiquement pas, sauf quelques ambiances atmosphériques. Ouais. Et la finale, ouais. Qui est quand même, on n'a pas parlé beaucoup, mais on, puis on va skipper, là, mais mm-hmm. qui est quand même un gros game changer pour Ico, à la fin, tu te bats contre une sorcière mm-hmm. avec une épée que tu n'as pas eu du presque mm-hmm. de tout le jeu. Ouais. C'est la même épée. Ah! Mais le pire, c'est qu'elle y ressemble. Et ouais. les, on n'a pas parlé aussi des les personnages de l'ombre dans Ico sont dans Shadow of the Colossus. Ils habitent ce temple-là. Donc, c'est-tu des personnes qui étaient mortes avant, qui essayent de retrouver la vie? C'est-tu... C'est pas la même affaire que l'entité dormine. Ça, c'est non, sûr. Non, non, non. C'est, mais c'est des âmes. C'est pas ça qui s'échapperait des colosses? Non. Non, okay. Non c'est mais ça. Pour moi, c'est différent. Okay. Peut-être. Ouais. Parce qu'ils sont affectés par cette épée-là. Je pense que les deux jeux se passent en même temps. Moi, je pense que Shadow est bien avant. Aussi. Je pense que Shadow serait comme 60 ans avant, 100 ans avant. Genre. Mm-hmm. Quelques générations. Mm. Mm. J'aime penser que c'est en même temps. OK. OK. Mais c'est vrai que c'est cool de penser que pendant que tu grimpes un colosse, il y a un petit kid qui court en traînant une fille par la main pour la sauver de quelque chose. Si vous avez deux écrans, deux télés, c'est possible. C'était malade. Ouais. Sur ça, merci Julien. Hey, merci à vous les gars. Hey, merci, c'était super cool, man. Ouais, ça m'a fait du bien ouais. d'en parler enfin, ça fait deux ans. Ça donne un goût de jouer, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Puis je vous le dis comme ça, là, Ico, ça se passe en une soirée. Hein. C'est très rapide comme jeu. Pas la première fois parce que genre, tu prends l'ambiance. Non, mais des fois, tu peux rester coincé. Puis, ouais, mais si tu connais 3-4 heures, je pense. Il y a un trophée que tu peux passer le jeu en 4 heures. Ok, ouais. Fait que c'est possible. Même je l'ai passé en 5. C'est mais pas une course non plus. Savourez-le. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est là. Ouais. Fait que voilà, sur ce. Yeah. Ouais. Belle cave. Super. Nous autres, on s'en va boire de la bière avec des Français, là. Oui, okay. Nos amis, nos cousins. OK. Avant ça. À suivre. Avant ça, écoute. Hey, j'espère que je vais revenir à votre podcast, les gars. OK. J'aimerais ça. Avant ouais. Qu'est-ce que tu aimerais parler? Ben, moi, j'aimerais ça Vampire Hunter D. Ah! Oui. Ah, OK. C'est dans 2 ans. Ah, ça, c'est la tendance, ça met le rythme habituel. OK, non, gang, non. Hey, on s'en reparle. Non, on a dépassé un peu d'un mois, mais quand même, on l'a fait. Fait que, ouais, c'est de rester. Hey, j'ai une tonne pour toi, Julien. Hein? Parce que t'es bon ami, puis on t'aime. Oh. Ouais. Fait que c'est ton nouveau groupe préféré depuis le temps que tu me connais. Oh, I call the Crawl of Brother! Hey, Chris, j'en ai écouté tantôt dans le métro. Ah, ouais. Algernon called Wallader. C'est ça, Chris. C'est bon, fait, là. On s'en va écouter Look Down de Algernon Cadwallader. Yeah! Bye! Bye-bye tout le monde! Woo!